trouver sur le net. Les énergies, en fait, effectivement, se sont accumulées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on avait la vapeur avec le charbon. Quand l'électricité est arrivée, elle n'a pas remplacé le charbon, par l'électricité, excusez-moi, le moteur thermique, parce que l'électricité, ce n'est pas une énergie, mais un vecteur d'énergie. Hélène Torchman. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon, il s'est additionné au charbon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les énergies renouvelables ne remplacent pas le pétrole, mais s'additionnent au pétrole. Et au charbon, qui est toujours là aussi. Donc, ça, effectivement, la question, la notion de transition énergétique doit être discutée. Comme beaucoup de notions, j'aimerais bien faire un petit une remarque là-dessus, me semble-t-il, c'est faire très attention au langage, parce qu'il y a vraiment dans tous ces domaines un espèce d'enfumage quand même, pour être très clair, en utilisant des mots qui sonnent écologistes, mais pour recouvrir des réalités qui ne le sont pas du tout. Et alors on imagine que pour produire cette image verte, là, pour développer des critères RSE, là aussi on a toute une économie de la communication, de l'audit, du conseil, de la cotation qui se met en place. Oui, des experts. Des experts, voilà. Moi, quand je vous ai lu, j'ai tout de suite pensé à la théorie de David Graeber sur les bullshit jobs. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que le but de toute cette cotation, évaluation, expertise, n'est pas finalement de produire du travail pour une classe sociale dominante dont la fonction sociale serait de maintenir à flot les industries dominantes qui pourraient se retrouver en difficulté face à la critique écologiste. Certainement, ça participe au maintien du status quo. C'est pas le but ultime, mais ça y participe. Ouais. Micro ouvert. Allez, on est parti alors. Et je me retrouve dans le salon de Monsieur Pierre Fabek, avec son Kiki. C'est ça, hein? Kitty. Un petit border terrier. Voilà. Et donc, je me retrouve à côté de Pierre Fabek, dans le salon de ce monsieur, parce qu'il est, entre autres, on va dire, ingénieur civil en électromécanicien. Est-ce que c'est juste comme présentation? Oui, ça c'est un diplôme. Ça c'est un diplôme, donc ingénieur civil électromécanicien. Mais j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie technologique et les 15 dernières années dans le groupe Engie. Donc je connais un petit peu la problématique de l'énergie en Belgique. J'ai un peu zappé, mais vous dites que vous aviez le diplôme d'électromécanicien, mais donc... C'est un diplôme, ça. Oui. Mais quoi, vous avez jamais exercé, du coup Si. Mais c'est-à-dire que dans l'industrie technologique où j'ai travaillé, c'était principalement des questions de génie électrique, génie mécanique, génie hydraulique, hein, et génie électronique, pour lequel on a été formé, hein. Et alors, c'est quelles années, ça? Parce que c'est aussi... C'est quelles années, alors, la formation? C'est 5 ans. Non, mais je veux dire, c'est aussi des... C'est les années 70, 60... C'est quelle année? Je sais pas. Je suis en train de me vieillir, là. Ben oui, mais donc, c'est... Je suis sorti en 75, en 75. Parce que, aussi, j'ai envie de poser la question... Bon, on va expliquer pourquoi je vous rencontre, hein. Donc, vous êtes ingénieur et, en fait, il y a, pour le moment, en Belgique, il y a des gens qui se mettent tous ensemble et ça prend de l'ampleur, quoi. Ça s'appelle Pour des forêts sans éoliennes. Et voilà. Et par ce biais-là, on m'a dirigé vers vous. Parce que vous êtes ingénieur et que vous connaissez bien le sujet. C'est juste ça? Ben, je pense que je connais quand même bien le sujet, oui. On m'a dit que vous connaissez bien l'éolienne. Oui, je connais bien l'éolien. Maintenant, je vous dis tout de suite, je ne suis pas anti-éolien. Hein. Donc, je ne suis pas du tout anti-éolien. Nous avons en Belgique beaucoup d'éoliens déjà installés. Le problème, c'est que on a utilisé tous les sites exploitables. Hein, et donc, maintenant, les industriels du secteur éolien sont obligés de se rabattre sur les forêts wallonnes pour aller mettre des éoliennes dans les forêts, parce que tous les autres sites sont déjà utilisés. Hein? Mais quand on parle de tous les autres sites, enfin là, ça y est, on rentre dans le sujet, mais avant de commencer, j'avais juste envie de dire, ingénieurs, les ingénieurs, là. Hein. Donc, moi, je le dis avec mes mots, mais les ingénieurs, à la base, c'est né avec les ponts et chaussées, ou bien... Oui, ça, c'est ingénieur des constructions civiles. Oui, mais c'est né, le mot... Oui, mais ça vient du latin, hein, ingenium. Donc, oui, mais c'est né avec aussi un peu la modernité, quoi. Hein, le béton, moi, je dirais, le pétrole, c'est né en même temps, non? C'est l'utilisation, l'exploitation... des techniques dans toute une série de domaines, donc les constructions civiles, le béton, l'électromécanique, l'hydraulique. Il y a plein de domaines, quoi. Voilà, c'est ça. Avant de commencer, j'avais plutôt envie d'aller vers là, et après on rentrera dans le sujet. Mais pourquoi vous avez voulu être ingénieur alors ? Ah, c'est une très bonne question, ça, madame. Je crois que ça correspondait bien à mon tempérament. Donc je suis quelqu'un de rationnel, j'essaye de l'être en tout cas. Et ça veut dire quoi, ça, être rationnel ? Rationnel, c'est la pensée ne se soumet jamais à un dogme. J'ai quand même étudié à l'ULB. Hein. Donc, je crois qu'il faut analyser les choses à partir des faits, hein, et avec des déductions logiques. Hein. Il faut essayer de faire ça de manière non passionnelle, hein, et avec des arguments logiques basés sur des faits vérifiables, probants, comme on dit. Et pas des slogans qui ne riment à rien, quoi. C'est marrant que vous dites ça, parce que la société dans laquelle on est, on va parler évidemment des sociétés riches dans laquelle nous sommes, elle est pas très rationnelle, elle est un peu folle, hein, non ? Il y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis avec un phénomène qui s'appelle Donald Trump, et ça dit tout, quoi. Et donc on n'est pas tellement mieux mis chez nous. Oui, c'est ça, parce qu'on parle toujours là-bas, je veux dire, c'est les mêmes... C'est les mêmes politiques menées, quoi. Non ? C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent pas. De quels gens vous parlez ? Parce que c'est toujours ça le problème. On parle des gens. Les gens, ça veut rien dire. Hein. Les gens, c'est vaste. Parce qu'il y a justement des gens comme vous, par exemple, ingénieurs, qui avaient une influence quand même. Vous avez, comment on dit... une responsabilité aussi dans ce monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui commence à dessiner des machines, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui, si, ben il y a un rôle. Chaque métier a sa place dans la société, hein. Donc le rôle de l'ingénieur aujourd'hui dans notre monde, je trouve que il est incroyable, parce que c'est quand même lui qui a dessiné avec, pas tout seul évidemment, hein, avec les politiques menées, avec les industriels. Enfin, ça. Je dirais pas que c'est un duo, mais c'est un trio comme ça, fameux quand même. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que la technologie a terriblement évolué, avec une rapidité surprenante, et ça devient très complexe. Ça devient très très complexe. Moi, je le vois d'ailleurs dans mon métier, c'est que beaucoup de techniques ne sont pas maîtrisées. Hein, et donc les entreprises n'ont pas l'occasion ou le temps de s'adapter aux nouvelles technologies. Et donc, il y a beaucoup de problèmes techniques dus à ce hiatus qu'il y a entre la technologie disponible et l'utilisation qu'on en fait, quoi. Et un exemple concret pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Sinon, ça fait... C'est trop... Un exemple concret, c'est tout ce qui est logiciel, domotique et tous ces trucs-là, où c'est d'une complexité... C'est quoi, en fait ? Domotique, c'est ce qui vous gère de manière informatique toute une maison. Hein, donc ça peut vous gérer les interrupteurs, votre chauffage, vous pouvez commander à distance, l'éclairage et des choses comme ça. Inutile. C'est moi qui le dis, ça. Je suis en partie d'accord avec vous. C'est que les techniciens développent des fois des produits qui sont peut-être pas tout à fait utiles. Mais qu'il y a une tendance chez l'homme de se dire « Ah, s'il y a quelque chose de nouveau sur le marché, ça doit être bon, donc je me lance dedans, quoi. Mmh. » Hein, voilà. Ben voilà, je trouve qu'on peut un peu démarrer comme ça. Vous voyez un petit peu aussi comment je pense, quoi. Je veux dire, moi, tout ce monde, et les ingénieurs ont quand même un grand rôle là-dedans. C'est pas fameux, quoi, je trouve. C'est pas fameux ce qui se dessine ou ce qui s'est dessiné même derrière nous, hein. Je veux dire, moi, je trouve, hein, voilà, je suis vachement critique par rapport à ce monde-là. Et du coup, bah, on va préciser. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à m'emmener où vous voulez, hein, parce que j'ai mon avis. Oui, oui, mais enfin, le but de la conversation aujourd'hui, c'est l'éolien en forêt, quoi. Hein. Donc ça, c'est, hein. Oui, c'est ça le pourquoi on se rencontre. Alors, donc, je vais peut-être faire une petite prémisse qui est utile, parce que tous les auditeurs ne sont pas au courant de ces règles, mais qu'un réseau électrique, d'abord, on ne stocke pas l'électricité. On ne sait pas stocker l'électricité. Là, on vient maintenant avec des batteries, mais c'est extrêmement cher pour la capacité d'emmagasinement d'énergie qu'elle procure. Le seul stockage sérieux d'énergie qu'on a en Belgique, c'est la centrale de Caux. Hein. La centrale de Caux, qui est une centrale de pompage-turbinage, où en fait, on peut délivrer la puissance équivalente à une centrale nucléaire pendant 6 heures. Donc ça, c'est l'énergie. Hein. Donc il faut bien faire la différence entre la puissance et l'énergie. Hein. Grosso modo, une centrale nucléaire, une tranche nucléaire en Belgique, c'est 1000 mégawatts. Hein. Et donc, pendant 6 heures, ça fait 6000 mégawattheures de puissance qui peut être stockée. Mais à part ça, on ne sait pas la stocker. Ça veut dire quoi, en pratique? Eh bien, en pratique, ça veut dire que quand madame ou monsieur met son sèche-cheveux dans la prise électrique et qu'il allume son sèche-cheveux, prenons qu'il fasse 1000 watts, par exemple, c'est déjà un gros, mais enfin, c'est plus facile pour le raisonnement, eh bien, il y a quelque part dans le réseau électrique une centrale électrique qui va augmenter sa puissance de 1000 watts. Parce qu'il y a une règle que la plupart des politiciens en Belgique semblent ignorer, qui est qu'à tout moment, il faut un équilibre entre la puissance produite et la puissance consommée. À tout moment. À tout moment. Et de là vient évidemment tout le problème des énergies non pilotables. Je ne vais pas parler de renouvelables, mais les énergies non pilotables. Parce que vous avez du renouvelable pilotable, par exemple le biogaz. Mais c'est une toute petite fraction de notre consommation nationale. Hein. Mais ça, c'est pilotable. On peut stocker du biogaz et on peut le brûler dans des moteurs à gaz au moment où on en a besoin. Hein. Donc c'est comme une centrale classique. Mais le solaire et l'éolien, vous n'êtes pas maître du moment où il y aura du soleil, où il y aura du vent, ou suffisamment de vent et pas trop de vent, parce que quand il y a trop de vent, il faut les arrêter. Et donc, il faut qu'à ce moment-là, quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil... Non. Il faut d'abord que quand il y a du vent et du soleil, il y ait des consommateurs pour le prendre. Et comme je vais vous expliquer... Oui, parce qu'il est pas, on ne peut pas le stocker... Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard que nous avons déjà surcapacité installée en Belgique actuellement en éolien et en solaire. Puisqu'il faut savoir qu'en Belgique, nous avons la puissance appelable, c'est-à-dire que la puissance que tous les consommateurs belges et les industries et tout vont appeler, ça varie entre 7 et 14 gigawatts. Donc 7 et 14 000 mégawatts. Oui, mais ça représente, vous voyez, c'est difficile hein, quand on n'y connaît rien. Le nucléaire, on avait 6 000 mégawatts. Ça vous donne un peu une idée des chiffres. On avait 6 000 mégawatts, maintenant on a diminué, parce qu'on a déjà sorti des tranches nucléaires. Hein, on en a à peu près 4 000, je crois, maintenant. Mais ça vous donne l'équilibre qu'il y avait avant. Donc, en fait, le 7 000 mégawatts, c'est le minimum que la Belgique va consommer. Hein, et le 14 000, c'est le maximum. Le maximum, ça va être, par exemple, un lundi matin au mois de janvier, quand il fait moins 10. Hein, voilà. Ça c'est... Bon. Nous avons, en puissance installée aujourd'hui, déjà 13 000 mégawatts en éolien et en solaire. Et on nous annonce encore 3 000 mégawatts en offshore, c'est-à-dire en mer du Nord. 3 000 mégawatts supplémentaires par rapport à ce que nous avons déjà. Donc, ça veut... Alors, or, donc, quelle est la conséquence de cette situation? C'est que quand il y a du vent et du soleil, on ne sait pas quoi faire de cette énergie. Et donc, on en a suffisamment parlé dans la presse, on est obligé de plus en plus d'exporter, hein, puisque ça produit d'énergie qu'on n'a pas besoin dans le pays. Quoi, c'est vendu alors, j'imagine. Alors, c'est vendu parfois à des prix négatifs. Parfois à des prix négatifs, il faut trouver une bonne âme quelque part dans le réseau qui est prête à prendre cette électricité, à délester l'énergie produite. Hein? Alors, il faut savoir que cette situation maintenant, c'est fortement accentuée depuis 3 ans, puisqu'on a développé l'éolien pas mal. Et donc, en Belgique en Belgique, bien sûr. Où nous avons un très beau parc éolien en Belgique. Hein. mais tout à fait. Non, mais j'adore parce que le terme parc, vous voyez, on a très beau. J'adore comment. Même le terme est marrant. J'ai ici les chiffres. Hein. On a aujourd'hui 8 gigawatts, 8000 mégawatts d'installés en photovoltaïque et 5,6 gigawatts en éolien, dont 2,2 en mer du Nord. Hein, donc un total pour les énergies non pilotables de 14 gigawatts, 14 000. Donc ça équivaut à la demande maximale. Et donc, comme je vous le disais il y a un instant, la conséquence de ça, c'est qu'on est des fois obligé d'arrêter carrément des champs éoliens, des parcs éoliens, parce qu'on ne sait pas exporter l'énergie. Et alors, quand vous dites on est obligé d'arrêter, ça veut dire quoi, qu'on coupe, on enlève les prises ou quoi? Enfin, exactement. On les ça enlève. Sert à rien quoi. Il y aurait un parc éolien là et en fait ça sert à rien tout ça. On le coupe parce qu'on ne sait pas quoi faire avec l'électricité. Alors, on développe bien sûr des infrastructures d'exportation. Donc maintenant ça c'est, enfin je ne vais pas faire de politique à votre micro, mais donc la solution que certains ont trouvée, c'est de dire « Ah, mais on va exporter cette énergie, parce que quand il y a du vent chez nous, il n'y a peut-être pas de vent chez les voisins. » Bon, ça reste à prouver, mais enfin bon. Et donc, il faut savoir que qui va payer pour exporter cette énergie, ce sont les Belges. Ce sont les Belges hein, qui vont aller payer pour verdir la consommation d'un Hollandais, d'un Français, d'un Allemand. Dire que c'est de l'argent public, quoi, c'est ça qu'on... C'est de l'argent public via Elia. Donc Elia, c'est la société qui assure le réseau à haute tension, c'est-à-dire le transport d'énergie dans des grandes quantités en Belgique, les importations, les exportations. Et Elia a annoncé un doublement de ses tarifs. Doublement de ses tarifs. Hein? Alors, ce sont des... Oui. Et alors, pourquoi? Ben, pour pouvoir augmenter les capacités d'exportation. Alors, moi, je crois que les Belges doivent savoir ça. Hein? Moi, il me semble que la transition énergétique, parce que ça, c'est un terme fort galvaudé, mais qu'est-ce que les Belges attendent de la transition énergétique? À mon avis, c'est d'avoir une électricité consommée la plus faible en CO2, donc décarbonée, le plus possible décarbonée, hein? Mais je ne pense pas que ça intéresse les Belges d'aller décarboner les voisins. Hein? Donc, nous devons également être autonomes. Hein? Je pense qu'aller développer une politique où nous serions dépendants de l'étranger, ce serait criminel. C'est ce qui s'est fait en Allemagne. Hein? Là, je perds le fil quand vous dites qu'on serait dépendants, mais on est autonome en électricité, puisqu'il y en a trop et qu'on ne sait pas quoi en faire. Il y en a trop pendant 18% du temps. Mais comme maintenant, on a arrêté le nucléaire et qu'on va déphaser toutes les tranches nucléaires, sauf deux, qui ont été prolongées de 10 ans, nous allons de plus en plus être importateurs d'électricité quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et là, nous dépendrons des voisins et nous dépendrons du gaz, parce que ça, c'est l'autre volet pervers de l'éolien, c'est que quand vous installez, par exemple, une éolienne de 5 MW, comme je vous l'ai dit, elle va fonctionner 18% du temps si c'est une éolienne terrestre. En mer, 34% du temps. Donc, d'où l'intérêt de développer l'éolien offshore, un qui dérange beaucoup moins de monde, hein, et qui a une productivité double. Malheureusement. Parce qu'elle est en plein de mer, c'est ça que vous dites qu'elle dérange. Oui. Ah, mais moi j'ai entendu des choses avec l'éolien, avec les pêcheurs en France. Non, mais ça crée aussi. Mais c'est ça qui est aussi intéressant de discuter, parce que il y a le point de vue scientifique, et puis il y a le point de vue. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, parce que je ne sais pas si vous le disiez, vous êtes rationnel, si vous le disiez ici en introduction dans le micro ou hors micro, je ne sais plus, mais je suis sûr que vous l'avez dit. J'essaye de l'être. Mais je veux dire, quand on installe des éoliennes en plein de mer, bah évidemment que ça crée ça crée plein de problèmes. D'abord, c'est hyper moche, quoi. Enfin, ça, c'est très subjectif, mais je veux dire, la faune et la flore aquatique, ça a une influence, quoi. On peut pas minimiser ça, parce que du coup, ça me fait revenir à ces forêts sans éoliennes, quoi. On passe un petit peu du coq à l'âne, là. Non, c'est le même sujet, c'est pourquoi je vous rencontre. Tout à fait. Mais donc, je vous ai dit, l'éolien en forêt, pourquoi est-ce que l'industrie éolienne s'attaque aux forêts? Mais parce que tous les sites qui ne sont pas en forêt sont déjà pris. Donc, les sites intéressants. Bon. Alors, le problème en forêt, c'est très... incroyable, ça, quand même. Tous les sites en Belgique sont déjà pris. Les sites hors forêt, exploitables, parce qu'il faut quand même, on va pas mettre une éolienne sur la butte du Lion de Waterloo quand même. Hein. J'avais entendu 70 sites en Belgique. 70 sites où il y a des éoliennes, quoi. Je crois que c'est plus que ça. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Voilà. Mais donc je reviens à mes éoliennes en forêt, parce qu'elles ont une spécificité. C'est qu'en forêt, il y a des arbres. Bon, là, je ne vous apprends rien. Et ces arbres font des fois 20, 30 mètres de haut. Bon. Donc, une petite éolienne classique, comme on faisait il y a 4-5 ans, ça ne marche pas. Il faut prendre des méga-éoliennes pour pouvoir sortir l'éolienne du champ de la couche limite des arbres. Parce qu'au niveau des arbres, il n'y a pas de vent. Même 5 mètres au-dessus de la crête des arbres, il n'y a pas de vent. Donc, il faut aller chercher le vent très haut. Et donc, on installe des mastodontes, qui sont des véritables monstres, hein, donc, qui font une hauteur de pales de l'ordre de 230 à 250 mètres, qui ont en fait la taille des éoliennes offshore, donc des éoliennes qu'on met en mer. Hein. Et donc, on a très peu d'expérience par rapport à l'utilisation de ces éoliennes en terrestre. Et le gros problème des éoliennes, ce sont les infrasons. Donc, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique qui a été mis en avant par des recherches scientifiques au cours des cinq... Je peux vous donner toutes les références. Hein. Ce sont des recherches tout à fait sérieuses en Allemagne, aux États-Unis, en Suède. Et donc, quand vous voyez une pale d'éolienne qui tourne, eh bien, il y a une pale qui passe... Toutes les secondes à peu près devant le mât. Vous comptez une seconde, la pale, toc, hein. Bon. Et quand la pale passe devant le mât, il y a une onde de pression, puisque l'air est emprisonné entre la pale et le mât. Et cette onde de pression, c'est du son. Le son, ce sont des ondes de pression. Et donc, quand je vous dis toutes les secondes, ça veut dire une fréquence de 1 Hz. Alors, il faut savoir que l'oreille humaine, elle entend à partir de 20 Hz. 20 Hz, ce sont les graves. Hein, et on entend jusqu'à 4000 Hz, 8000 Hz, pour ceux qui ont vraiment une très bonne ouïe. Hein. Mais en dessous de 20 Hz, on n'entend rien. On n'entend rien, mais le corps le ressent. Et il faut savoir, par exemple, que toutes les mesures de bruit en Belgique, c'est fait avec ce qu'on appelle l'échelle des décibels A, qui font une intégration des différentes fréquences sonores qui se rapprochent le plus possible de ce que ferait une oreille humaine. Bon. Et donc, tous les décrets, toutes les réglementations qui impliquent des décibels en Belgique, ce sont des dBA. Donc, il n'y a aucune imposition sur les infrasons. Il y a absolument, on peut faire ce qu'on veut. Or, il a été prouvé que les éoliennes produisent des infrasons dans des quantités importantes. Et évidemment, les grandes éoliennes, les méga-éoliennes qu'on fait maintenant, encore plus. Alors, les infrasons, ce sont les sons qui sont émis avant un tremblement de terre. Donc, avant un tremblement de terre, vous voyez tous les animaux qui s'enfouissent, hein, tous les mammifères, hein, alors qu'on n'a encore rien entendu. Alors qu'il y a encore rien. L'oreille humaine, quoi. Voilà. Eh bien, ils ont ressenti ces fréquences qui sont inaudibles pour l'homme. Hein, bon. Et ça a créé chez eux un mouvement de panique. Bon. Alors, l'homme ne l'entend pas ces sons dans son cerveau conscient, mais son corps le ressent, hein, et son, son psychisme le ressent aussi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a montré que ça peut provoquer du stress, de la dépression, de l'hypertension, des insomnies, des maux de tête, des maladies cardiaques, évidemment à des degrés divers, suivant les individus. C'est comme les ondes GSM. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça, il y en a d'autres qui ne sont pas sensibles du tout. Hein. Mais donc, il y a quand même, et je vais vous donner quand même un petit papier avec des références, il y a notamment une vidéo très intéressante qui émane de ZDF, la chaîne de télévision allemande. Ils ont fait un reportage extrêmement intéressant, et vous verrez, c'est assez alarmant quand même, de voir l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça, en fait ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un principe de précaution. À avoir. Un principe de précaution à avoir. Et ce principe de précaution, c'est d'imposer une distance minimum entre les éoliennes et les habitations. Hein ? Alors, dans les pays qui pensent beaucoup à la santé de leurs citoyens, comme la Bavière ou la Pologne, la distance minimum a été fixée à 10 fois la hauteur de l'éolienne. Donc ça veut dire qu'une éolienne maintenant, une méga-éolienne de 250 mètres, eh bien, elle doit être à plus de 2500 mètres d'une habitation. Mais ce que je voulais dire donc, c'est qu'il y a un problème de santé publique avec les éoliennes. Et il y a un devoir quand même de précaution dans le chef des autorités de ne pas mettre en danger inutilement, parce qu'on va y arriver, inutilement, la santé des citoyens. Alors il faut savoir que le ministre Henry, hein, ministre écolo, bien connu, a déposer récemment deux propositions de décret où il veut encore diminuer cette distance par rapport aux éoliennes. Nous étions déjà très bas, nous étions à 4 fois la hauteur de l'éolienne, alors que des pays imposent 10 fois. Nous étions à 4 fois. Et bien maintenant, il veut réduire ça à 500 mètres plus 50% de la hauteur. Ça veut dire que pour une éolienne de 250 mètres de hauteur, la distance minimum passerait de 1000 mètres à 625 mètres. Hein ? Donc on réduit de 40% la distance. Pourquoi ? Mais uniquement pour satisfaire une politique qui est de dire « plus on met des éoliennes, mieux c'est hein ». Donc, justement. Voilà, et ça, je vais vous montrer avec des chiffres à l'appui que malheureusement, la réalité est un petit peu plus compliquée. Donc plus on met d'éoliennes, mieux c'est. Voilà, on justifie ça en disant ben oui, c'est la transition énergétique quoi. Ça veut dire quoi la transition énergétique ? Il n'y a jamais eu de définition sur la transition énergétique. Moi ce que je pense que les gens c'est le renouvelable. C'est la décarbonation de notre électricité. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que l'électricité. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres sources de CO2, hein, notamment le chauffage, le transport. Hein, mais au niveau de l'électricité, qui représente quand même qu'une petite fraction de nos émissions totales de CO2, hein, c'est une petite... Oui, on ramène tout au CO2, mais ça, c'est très, je dirais, conceptuel, quoi, le CO2. Je veux dire par là que quand on parle, par exemple, d'une forêt, eh ben, on peut expliquer que... il y a toute la biodiversité. Enfin, il y a plein d'autres enjeux qui sont vachement plus parlants, je trouve, que simplement le CO2. On parle tout le temps de CO2. D'autant plus que ces nouvelles éoliennes, je dis bien les nouvelles éoliennes terrestres qu'on veut implanter, n'amènent aucun gain en émissions de CO2. Que du contraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, retenez bien le chiffre, 18% de productivité de l'éolien terrestre. Ça veut dire que pour 82% du temps, il faut autre chose. Bon. La chose la plus simple, c'est des centrales à gaz. Vous savez d'ailleurs que le gouvernement a favorisé la construction de plusieurs centrales à gaz, justement, pour pallier à l'intermittence de l'éolienne. Donc, une éolienne toute seule, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le couplage entre l'éolienne et sa centrale à gaz de backup. Hein, qui pallie à son intermittence. Hein. Or, cette centrale de backup va avoir un très mauvais rendement parce qu'elle ne sera jamais à son rendement maximum parce que, justement, il y a des temps de démarrage et des choses qui font que ce sera en général des centrales à gaz à cycle ouvert qui pourront donc pas à cycle combiné, qui pourront compenser l'intermittence des éoliennes. Et si on prend le bilan total, donc le bilan total CO2 de l'éolienne qui, pendant 18% du temps, ne produit pas de CO2, hein, ça je suis bien d'accord, sauf peut-être pour la construction, mais en exploitation, pendant 18%, elle ne produit rien, et 82% d'une centrale à gaz pour le restant du temps, eh bien, on arrive à un taux global de CO2, écoutez-moi bien, qui est supérieur à la moyenne nationale actuelle. Donc, ça veut dire que la construction de ces éoliennes va empirer notre taux de carbone dans l'électricité. C'est très simple à comprendre. Ça va, là, j'ai compris, moi. Ah ben voilà. C'est après, très... je veux dire... J'ai aucune... Mais donc, alors... Je viens un petit peu plus loin. Le pourcentage des énergies renouvelables, donc il y a le vent, il y a le soleil, il y a la biomasse, et je crois qu'on met également l'incinération des déchets ménagers dedans. Bon, c'est 31% en Belgique. C'est un très beau chiffre. Alors, comment voulez-vous augmenter, parce qu'on cherche à augmenter ce chiffre, hein, bon. Comment voulez-vous augmenter ça en mettant des éoliennes qui ont une productivité de 18%? C'est mathématique, c'est impossible. La seule façon de le faire un petit peu monter, ce serait de développer surtout l'éolien offshore. Parce que celui-là a une productivité de 34%. Donc, en mer, quoi. En mer, par rapport à l'éolien terrestre. Donc la conclusion, c'est ne plus développer des éoliennes terrestres en Belgique, parce qu'il y en a déjà suffisamment, mais si on veut absolument... encore mettre des éoliennes pour exporter chez nos voisins, parce que c'est ça qu'on veut, hein, eh bien, mettons-les en mer. Oui, j'entends tout ce que vous venez de développer, là. Et c'est marrant, hein, parce que moi, j'entends que vous expliquez que... Parce que vous précisez bien, vous n'êtes pas contre l'éolienne, quoi. Vous n'êtes pas contre les éoliennes. Mais c'est marrant parce que moi, on m'a présenté quelqu'un un ingénieur qui va vraiment démonter la machine, quoi. Moi, je suis un fan des énergies renouvelables. Donc, par exemple, j'adore personnellement l'énergie hydraulique. Hein, malheureusement, en Belgique, on n'en a pas parce qu'on n'a pas des grands massifs montagneux. Hein. Mais non, je crois que... Quoi, l'énergie hydraulique, c'est les moulins? C'est ce que vous... Anciennement, c'est les moulins? Dans les Alpes. Il faut des grands dénivelés. Hein. On n'a pas de grands dénivelés. Le signal de Botrange, c'est 694 mètres, si ma mémoire est bonne. Et il n'y a pas de cours d'eau, là, donc... Donc, je ne suis pas du tout opposé au renouvelable et même pas à l'éolien. L'éolien actuel a toute sa place, hein, et il contribue avec justesse au fait qu'on a 31% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Hein. Voilà, vous êtes content de ce qui se passe au niveau du renouvelable et de l'éolien et ici en Belgique. Est-ce que vous dites... Je dis qu'il faut arrêter en Belgique le développement de l'éolien terrestre. C'est ça que je dis. Qui n'a aucun bénéfice. Vous êtes content de ce qui s'est dessiné depuis. Voilà, vous êtes comme on dit partant pour avoir développé et continuer alors en mer toute cette idée de renouvelable, quoi. Vous posez pas trop de questions sur c'est justement transition, parce qu'on fait passer ça, évidemment. C'est quand même moche, non, une éolienne? Vous trouvez ça beau, vous? Il n'y en a pas une ici, près de chez vous. Et dans le quartier, ici, on est à Vivier d'Oie, on n'est pas prêt d'en avoir. Hein. Il faudrait demander au ministre qui essaye de diminuer les distances par rapport aux éoliennes s'il serait d'accord d'avoir une éolienne au fond de leur jardin. Vous trouvez ça beau, vous? Mais je trouve que dans un massif ardennais, dans de belles vallées, j'ai la chance d'avoir une petite maison en Ardennes et dans la vallée de l'Amblève qui est magnifique, hein, et évidemment ce serait un coup de poing dans le paysage, ce serait un crime, hein. En plus il y a plein d'oiseaux là-bas, parce que j'ai cité que les problèmes par rapport à la santé humaine, hein, mais vous avez tous les problèmes des oiseaux, hein. Vous avez dans la région où je suis, là, à Malmedy, vous avez le Milan Royal, hein, vous avez le Balbuzard pêcheur, vous avez des espèces magnifiques. qui serait fort dérangé, voire même avec des tués par ces éoliennes. Il y a la migration des grues cendrées. Nous voyons chaque année des milliers de grues cendrées qui sont à peu près, qui volent à moins de 200 mètres de haut. Hein. Elles sont à moins de 200 mètres de haut. Donc ça veut dire qu'elles devront changer leur trajectoire, sinon elles se tapent les pales. Donc, J'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, ben on va voir là maintenant. Il paraît que les pales, on sait pas quoi en faire une fois que c'est fini. C'est... Oui, j'ai entendu ça aussi. Bon, à mon humble avis, c'est pas un problème énorme. Je crois que le problème qui est plus grave, non, mais je veux dire, par rapport à tous les problèmes qu'on a, le béton coulé me semble bien plus problématique. Parce que, alors ça, il faut savoir, au niveau des éoliens, vous aurez remarqué qu'un promoteur éolien ne va jamais acheter les parcelles sur lesquelles il installe ses éoliennes. Il fait comment alors ? Il les loue. Ah. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est très facile à comprendre. Attends, je peux essayer de deviner ? Oui. Il les loue parce que, en fait, après, il y a plein de déchets, il reste plein de choses et que ce n'est pas son problème, voilà. À lui. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Il faut savoir que donc, dans un projet éolien, maintenant, le développeur doit provisionner un montant pour le décommissionnement, enfin pour le... Allez, comment est-ce qu'on appelle ? Le mot ne me vient pas. Hein, mais pour le décommissionnement de l'éolienne. Ce montant représente un quart ou un cinquième du coût réel. Le démontage, vous voulez dire ? Démantèlement, voilà. C'est ce mot-là que j'avais sur le bout de la... Démantèlement. Alors, rien n'est clair au niveau des démantèlements. On est certain qu'il faut démanteler tout ce qui est hors du sol, ça va de soi. Mais enlever le béton, ce sont des mètres cubes et des mètres cubes de béton armés, tout ça. Rien n'est prévu. Donc, si on ne fait rien, ça va rester là. Et les pales, vous savez pas. Non. Je sais qu'il y a. J'entends toujours que c'est flou, c'est vague. Maintenant, je me dis que j'ai un ingénieur ici, un peu spécial, lisé de la chose. J'ai lu comme beaucoup d'autres qu'il y a des solutions. On les enterre des fois. Vous trouvez ça une solution, vous ? Ah, écoutez, c'est pas une solution, mais pour moi, il y a d'autres problèmes bien plus graves. Comme quoi, par exemple ? Le béton. Mais c'est la même chose, en fait, si vous mettez... C'est du pétrole, quoi, c'est du plastique, je sais pas ce que c'est, les pales, mais c'est énorme, vous mettez ça dans la terre et vous trouvez ça... Non, j'ai pas trouvé ça normal. Hein. Mais vous dites, il y a des choses bien plus graves. Mais je trouve que... Si y a... C'est un drôle de monde, quand même, où on crée des choses et on sait pas quoi en faire et on les met... c'est comme le nucléaire, quoi, les déchets nucléaires, on les met aussi... Enfin, je veux dire, quel drôle de monde, non ? Qui produit des choses, qui crée des choses et qui ne sait pas quoi en faire après. Écoutez, de par mon métier, j'ai quand même pas mal travaillé dans le nucléaire, qui est un secteur que je connais bien. Pour moi, le nucléaire est un mal nécessaire. Voilà, c'est un mal nécessaire. Il y a des problèmes. Il y a un problème avec les déchets. On ne peut pas se voiler la face. Maintenant, il faut quand même dire qu'on n'a jamais eu d'accident en Belgique. Hein. Je pense qu'avec une bonne gestion des déchets, le risque est quand même très limité, par rapport aux avantages. Et l'avantage du nucléaire... C'est quoi l'avantage ? Oh, il n'y a pas de CO2. Hein. mais c'est évident. Mais pas du tout. Même la Commission européenne est d'accord et a redéfini les choses en disant que le nucléaire faisait partie de la solution pour la transition énergétique. Et d'ailleurs, écoutez, nous sommes entourés de voisins qui redéveloppent le nucléaire. Il n'y a pratiquement qu'en Belgique et en Allemagne, mais en Allemagne, ils sont en train de se casser la figure. Le Energiewende, là, en Allemagne, c'est une catastrophe. Vous savez que l'Allemagne est un des pays qui pollue le plus au niveau CO2 en Europe aujourd'hui. Malgré qu'ils sont les champions du renouvelable. Donc c'est bien la preuve que je vous disais que le renouvelable n'est pas la solution pour faire baisser le taux de carbone de l'électricité. Donc je répète, l'Allemagne est le deuxième, après la Pologne, en pollueur, donc le taux de carbone dans son électricité. Et c'est le champion des éoliennes, et c'est le champion du photovoltaïque, et c'est le champion du biogaz. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils ont supprimé le nucléaire. C'est aussi simple que ça. Oui, j'ai entendu ça. Non, ils ont décidé, après l'accident de Fukushima, ils ont décidé de sortir du nucléaire sous la pression des Verts, hein, et ils en payent le prix. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Pendant 10 ans, ils ont eu une politique où ils dépendaient du gaz russe à 60%. Hein, et quand la guerre en Ukraine est arrivée, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. Et c'était la panique. C'était la panique. Ils ont dû construire en urgence des terminaux pour décharger du gaz liquéfié, hein, parce qu'ils n'avaient pas de source de gaz. Donc c'était... Pour moi, l'Allemagne a tout faux. Hein. Pourtant, j'aime bien travailler avec les Allemands, ce sont des gens organisés. Mais au niveau de leur politique énergétique, ils ont tout mauvais. Mais de toute façon, là, on parle très dans les hauteurs, pour moi. Je veux dire... On ne parle pas dans le concret d'une situation bien précise. Là, vous parlez plus de politique menée, voilà. La politique menée en Allemagne, c'était de la fin du nucléaire. Or, si on veut une électricité sans CO2, à tout moment de la journée, j'imagine que les citoyens veulent, quand ils mettent quelque chose dans la prise qui est du courant qui vienne, à tout 24 heures sur 24. C'est de ça que j'aimerais discuter, parce qu'on est là à parler de renouvelables, de transition énergétique, de charbon, pétrole, nucléaire, de toute cette énergie. C'est de l'énergie, en fait, qu'on parle. Hein. Oui. Mais on ne remet pas une seule fois notre monde de consommation par rapport à tout ça. Oui, non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment ça le vrai sujet. Vous voyez, c'est comment. La sobriété énergétique. Oui. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, c'est de se poser la. Oui, c'est comme ça qu'on parle d'habitude, mais ça aussi amène plein d'autres idées quand on parle de sobriété. Attention, c'est quoi la pénurie? On va devoir ne plus jouir de la vie, ou je sais pas ce que ça fait dans l'imaginaire des gens, mais moi je crois que c'est fondamentalement ça le souci, vous voyez, de pouvoir Le souci, c'est notre mode de vie. Ben voilà. Alors écoutez, on peut revenir à l'âge des cavernes, hein. Vous êtes un peu comme le Macron qui dit les Amish, quoi, retournons à la bougie, qui veulent retourner, c'est ça? Pas vraiment, mais c'est fou parce que. Il n'y a pas de solution. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution technologique. Les règles de la thermodynamique resteront toujours les règles de la thermodynamique. On ne sait pas créer l'énergie avec rien. Hein. Non, mais je veux dire, c'est pas ça que je dis encore une fois. Ce que je dis, c'est qu'on peut parler de nucléaire, d'éolienne, de panneaux photovoltaïques. Pourquoi on invente tous ces renouvelables là? Le but du développement des renouvelables. Ne parlez pas encore de CO2, hein, inventez autre chose. Parlez autrement, parce que sinon on comprend pas. Le CO2, c'est un concept. Alors il y a un autre avantage des renouvelables non pilotables comme le solaire et le vent, c'est qu'ils sont disponibles gratuitement. Et que donc on n'entame pas un capital. Tandis que même dans des centrales nucléaires, on brûle quand même de l'uranium, hein, on consomme de l'uranium. Non, mais non, parce que les pales et l'éolien, par exemple, ça a une durée de vie, il a fallu aussi... Au moins 15 ans. Oui, mais il a fallu, comme vous disiez, il y a du béton, comme vous disiez, il y a des pales. La construction, que pour la construction, il y a du CO2 qui... J'imagine qu'il y a une turbine aussi qui aide, c'est pas gratuit, c'est pas vrai. La meilleure énergie, c'est rien du tout. C'est la meilleure énergie, c'est on consomme moins, quoi, non? Regardez comment on est tous avec. Allez, c'est quand même hallucinant ça. On est tous avec nos téléphones et on est tous à recharger nos téléphones. Oui, vous imaginez le geste? C'est pas ça qui compte. Attention. C'est quand même vrai. Vous savez que tous les data centers, les centres de données, hein, qui gèrent tous nos flux internet et tout ça, représentent presque 5% de la consommation mondiale d'électricité. Quand vous faites un clic, je crois que c'est un watt-heure. Oui, moi, je retiens pas précisément les volumes, la quantité, les choses comme ça, mais c'est juste aussi... On est devenu encore plus dépendant en nous faisant croire que c'est vert et que c'est bien et que c'est gratuit comme vous. Le gros problème, c'est la. Moi, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus critique quand même. Oui, mais je suis assez classique. Hein. Bon. Mais on n'a pas, pas parlé voiture électrique, parce que ça, c'est le gros. Ça, c'est le gros problème. Mais quand même, vous êtes contre les éoliennes en forêt. Je suis contre les nouvelles éoliennes terrestres. Toutes, pas uniquement en forêt. Ça veut dire que vous êtes contre tous les nouveaux projets d'éoliennes aujourd'hui en Belgique terrestre. Oui, on a bien entendu. Pour la raison que je vous ai dit, taux de productivité 18%, ça n'améliore pas notre taux de renouvelable, ça n'améliore pas nos performances CO2. J'ai aussi lu qu'il y aurait moins de vent dans le futur, surtout dans la période de l'été. C'est exact. Il y a une tendance depuis 5 ans, au moins en Belgique, d'une diminution du potentiel venteux. Je l'ai lu, j'ai jamais vérifié si c'était vrai. J'ai lu une étude là-dessus. Si. Non. Mais vous voyez, les études, on peut aussi le raconter. Non, ce sont quand même des chiffres. Vous mettez des anémomètres, vous mesurez les choses avec des enregistreurs. Et l'histoire du tabac, vous la connaissez? Les scientifiques qui défendent que le tabac, c'est mordicus, avec des preuves à l'appui, que c'est pas du tout nocif pour la santé. Il y a des experts qui ont été payés aux États-Unis pour dire ça. Vous croyez que ça n'existe plus, ça, aujourd'hui? Et les climats, les pétroles qui disaient que ça n'a pas aucune influence sur le... Non, mais je veux dire, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, quand on dit « Ah, mais à l'appui, il y a des preuves, il y a des chiffres », vous comprenez bien que les gens y croient de moins en moins à tout ça. Hein. Écoutez, je vais vous faire une confidence personnelle. Ah, chouette. Voilà, qui est hors éolien. Je suis effaré du développement au niveau mondial du mensonge d'État. Donc, le mensonge est devenu pratiquement monnaie courante, partout. Hein. Le plus bel exemple, c'est Trump. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui ment. N'aimez pas Trump? Mais écoutez, il faut juger les gens par les faits. C'est pas que je n'aime pas sa personne, mais c'est un menteur, c'est quelqu'un qui ment. Il est très loin de nous. Hein. Il a des influences, évidemment. Mais ici, en Belgique, vous n'osez pas dire... Vous n'osez pas cibler quelqu'un qui serait dans le même genre. Écoutez, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'on vous raconte des salades. Tout le temps. Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Je lisais l'autre jour un article. C'était dans un journal régional là, du côté de Malmedy. Une société qui développe des parcs éoliens qui disait « Ah, on a rendu l'école de Wem autosuffisante en énergie ». Avec des panneaux solaires. Mais comment peut-on écrire et dire une telle ânerie, hein? Et j'imagine qu'il y a des gens qui vont croire ça. Hein? C'est bon. Donc s'il le dit, c'est qu'il s'imagine qu'il y a quand même des gens qui vont le croire, quoi. Mais c'est quoi l'ânerie là-dedans? Mais l'ânerie, c'est que pour être autonome, il faut enlever sa connexion, enlever son compteur. Alors on est autonome. Ah, je suis bien content de l'entendre. Ici, ce qu'ils font simplement, c'est que vous avez uniquement en Wallonie, on est pratiquement les seuls en Europe à faire ça, hein? Un régime dont je bénéficie aussi, je ne me le cache pas, j'ai aussi installé des panneaux, parce que ceux qui ne le font pas sont des pigeons, hein, mais où on vous offre gratuitement une batterie de durée infinie et de capacité infinie, qui est le réseau. Hein, puisqu'on permet aux gens de réinjecter dans le réseau, ils ne s'occupent pas de savoir où ça va, et ils peuvent reprendre ça quand ils le veulent. C'est les panneaux photovoltaïques, ça, hein. En Wallonie, ouais. En Wallonie. Ouais. Et donc ce système est évidemment débile, puisqu'il n'encourage absolument pas l'autoconsommation. Puisque pourquoi est-ce que les gens iraient chercher à consommer quand leurs panneaux produisent, alors qu'ils peuvent stocker gratuitement sur le réseau et reprendre quand ils veulent par après? Je vous dis, tous les Wallons en ont profité. Donc c'était la dernière année où on pouvait encore le faire, c'était 2023. Et donc il y a eu une ruée sur les panneaux photovoltaïques en 2023. Mais je comprends pas bien, mais je vais réécouter. C'est aussi des incitants, j'imagine. C'est une politique menée pousser les gens à acheter du photovoltaïque. La politique menée par le ministère de l'Énergie, je ne vais pas citer de nom, en Wallonie, c'est à tout prix développer le nombre de panneaux photovoltaïques et développer le nombre d'éoliennes. Sans réfléchir, sans savoir si ça va servir à quelque chose, sans savoir si ça va nous affranchir des importations de l'étranger. Non, le but, c'est de Ils ont des conseillers quand même, non? Je crois que c'est surtout une idéologie. Ben, je ne veux pas faire de politique avec vous. Hein. Mais par exemple, on peut faire une démonstration par l'absurde. On pourrait multiplier par 10 le nombre d'éoliennes. Donc on a maintenant par 10. Hein. Ça ne change rien au fait que ces milliers d'éoliennes supplémentaires ne produiront jamais que 18% du temps. Et que donc, pour 82% du temps, il faudra importer. Alors, le problème que ça va créer, c'est quoi? C'est qu'il y aura surcapacité quand t'as du vent. Donc, on ne saura pas quoi en faire, ce qui est déjà le cas maintenant. Et donc, on va faire payer les Belges une deuxième fois, parce que les Belges payent déjà une fois pour la cotisation énergie verte dans la facture d'électricité. Et maintenant, on va leur payer une deuxième fois pour les infrastructures d'Elia, pour exporter à l'étranger une énergie dont on n'a pas besoin. Voilà. Ouais. Donc moi, 5 minutes pour... Mais dans la crise, par exemple, quand il y a eu la crise du Covid, le gouvernement a fait appel à des experts indépendants, qui ont donné leur avis. Hein. Bon, maintenant, le politique n'a pas nécessairement suivi tous les avis, mais au moins des experts indépendants... Vous trouvez qu'ils étaient indépendants? Ben on dit que... Attention, ils se contredisaient, mais ça, c'est normal. C'est un gros business aussi, ça, non? Tout d'abord, la médecine n'est pas une science. Hein. Ah bon? Non, c'est un art. C'est pas une science, je suis désolé. Je suis contente de l'entendre dire. Moi, je suis dans quelque chose de scientifique, mais la médecine n'est pas une science, c'est un art. Vous choqueriez plein de monde en disant ça. Je veux bien le dire à quiconque, c'est un art, c'est pas une science. Hein. D'ailleurs, c'est quoi la différence? Prenez un malade, allez le montrer à 10 médecins différents, il y aura 10 traitements différents. Hein. Donc, tandis que les choses techniques comme l'énergie, c'est vraiment une science exacte. C'est une science exacte. On est dans le domaine du connu. Il n'y a pas d'inconnu. Oui, l'inconnu, c'est quand est-ce qu'il y aura du vent. Ça, oui. Mais vous voulez dire que c'est une machine, quoi. C'est différent que... J'essaie de comprendre hein, que le fait de soigner les gens, où là, c'est très complexe, quoi. C'est très aléatoire en même temps. Une personne n'est pas l'autre, ça demande du temps. Une machine, c'est une machine, quoi. En gros, elle est censée tourner. C'est ça que vous voulez dire? Une machine ou un système énergétique. Mettons un système énergétique, c'est quelque chose qui obéit à des lois physiques bien connues et quantifiables. Des lois bien connues et quantifiables. Ce que je veux dire, c'est que moi, je serais quand même partisan que pour l'avenir énergétique de notre pays, les gouvernements futurs fassent appel à un panel d'experts indépendants pour prendre des décisions à long terme sur des bases rationnelles et pas sur des bases politiciennes ou émotionnelles. Voilà. Et le problème de l'énergie, en particulier, c'est que c'est quand même un problème complexe à appréhender. C'est plus complexe qu'on ne pense. Voilà. Mais c'est exact. Hein. Et donc... Quand vous avez des politiciens qui commencent à parler d'énergie et qui confondent les mégawatts et les mégawattheures, ça arrive tous les jours. Hein. Donc on peut se demander vraiment comment sont prises les décisions. Quoi. Parce qu'il paraît qu'on pourrait aussi terminer là-dessus, parce que le code de développement du territoire interdit l'implantation d'éoliennes en forêt. Ça, c'est ce qui se passe hein, pour revenir pour des forêts sans éoliennes. Donc il y a... Oui, mais ils veulent changer, ça. Oui, voilà. Ils veulent aller au-delà de ça, quoi. Je parle, moi, des industriels, des politiciens. Parce que c'est quand même ça qu'il s'agit. C'est toujours une affaire de... On a l'impression de business, quoi. Écoutez, je ne vous ai pas parlé de la rentabilité de ces champs éoliens, mais vous vous rappellerez que pendant le début de la guerre d'Ukraine, en 2022... Le prix de l'électricité était, sur le marché de gros a été multiplié par 10. Hein. Oui, donc, ça a mis plein de petits de boulangers, voilà. Des petites structures. Ils ont dû fermer boutique, quoi. Mais vous voyez, nous, on discute comme ça, là, et il y a des gens, ça a une influence directe sur leur vie. C'est pas la facture qui a été augmentée par 10. Hein. C'est parce que l'énergie ne représente qu'un tiers de la facture. Deux tiers de la facture, c'est des taxes et des frais de transport et de distribution. Hein. Mais l'énergie représente un tiers de la facture d'électricité. Mais ce facteur-là a été multiplié par 10 en 2020. Et donc, il y a plein de sociétés qui ont fait des bénéfices, mais plantureux, dont le lobby éolien, tout le lobby éolien. Donc, c'est uniquement une affaire de gros sous, hein, tout ça. Il faut savoir que ce n'est que ça, hein. Oui, mais les gens, ils sont pas bêtes. Ils comprennent pas tout, mais ils savent bien que c'est ça l'enjeu aussi, quoi. Ce n'est que ça. Et donc le gouvernement actuel en Wallonie a joué là-dessus. ils se sont dit, ben voilà, le secteur éolien va pouvoir satisfaire mon rêve d'implanter des éoliennes partout. Hein, voilà, voilà. Hein, et je vais donc mettre des incitants financiers pour arriver à ce résultat. Quoi. Mais on voit bien que les gens en ont marre. Mais je crois que oui, oui. Je veux dire, là, on a vu sur le réseau, enfin, ça a pris une ampleur de fou, quoi. Il y a plein de gens qui réagissent. Les gens commencent vraiment ras-le-bol, quoi. Oui, oui, non, mais à juste titre, hein, à juste titre. Surtout qu'on leur raconte des salades. Oui. On leur raconte des salades. C'est ça le problème, c'est en vous rencontrant. Moi, j'espérais, bon, là, on en arrive à la fin, mais j'espérais que ce soit pas trop technique, parce que évidemment, vous êtes expert, entre guillemets, vous connaissez. Je veux dire, moi, vous pourriez me raconter ce que vous voulez aussi, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui va pas. Écoutez, normalement, je pense. Non, je trouve que ça a été chouette parce qu'on a pu un peu aussi pas rester dans la technicité de la chose, quoi. On peut aussi un peu parler d'un point de vue général de tout ça, parce que moi, j'ai du mal. On nous a complètement, retiré notre autonomie. Hein. On est complètement dépendant d'un système, oui, mais aussi des gens qui peuvent vous raconter ce qu'ils veulent, quoi. Ça va pas du tout, vous voyez. D'où l'intérêt d'avoir l'esprit critique et de se former. Oui, mais on peut pas se former sur tout le temps, vous voyez. Mais là, en l'occurrence, quand il s'agit de parler de nucléaire, d'énergie, de oh là là là là là, c'est bien complexe, quoi. C'est pour ça que moi je dis, on éteint l'interrupteur. Le meilleur renouvelable, c'est enlever la prise, quoi. Tout à fait. Ça, c'est sûr. C'est sûr que si on arrête la prise. Oui, on change nos manières de vivre, quoi. Voilà, voilà. Vous êtes d'accord, vous, de changer de vie ? Il y a à boire et à manger, là. Il y a à boire et à manger. Mais un des problèmes aussi, je n'aime pas le dire, parce que c'est qu'il y a beaucoup de monde sur Terre. Hein. Quand moi, je suis né, il y avait 2 milliards et demi de gens sur Terre. Et maintenant, on frôle les 8 milliards. Et ces 8 milliards, ils veulent tous vivre comme nous. Vous croyez ça ? Ben non, je suis sûr de ça. Vous avez été voir partout pour dire ça, ou bien vous répétez non. Ce qu'on vous a dit à la radio ? L'objectif, c'est ça. Mais non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais on n'a plus le temps de développer. Voilà. Mais c'est intéressant, vous voyez, c'est intéressant ces discussions-là. Merci beaucoup, hein, Pierre Fabek, de m'avoir reçu. Merci à vous. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable. Merci à vous, vraiment. Et à Kitty. Et à Kitty.